Alléluia. Alléluia. Bélé-la, Rabbi. Bélé-la. Rabbi. Rabbi. Rabbi. Rabbi. Rabbi. Rabbi. Bélé-la. Bélé-la. Tombe le robot colicolo. Matsama Galsnayo. Bélé-la. Bélé-la. Bélé-la. Rabbi. Rabbi. Rabbi. Rabbi. Yeah. l'homme de Galilée. Ami, l'incomparable. Ami, oh le tout puissant. Ami, il dit un mot et la chose s'accomplit. Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi, la main cachée. Rabbi, Rabbi, alléluia. Rabbi, gloire à toi. Rabbi, Rabbi, ressuscité du troisième jour. Rabbi, alléluia. Mambeka, poko senga ite, zambe oyabino apese yano, nakitisa moto moto etumba biso mpe tokobondela nzambe na biso po akitisa mpe moto tokotala nzambe wape azali na bomoi oya bino to ya biso bandeko na ngai alobi na bango bango babanda ntango babandaki bazali kobelela bal bazali kozongisa te bazali kopesa eyano te bamizokisi bapota na nzoto réponse ezali koya te ekomi na midi mosali na nzambe alobi na bango obelela ntango moso aza na voyage babeleli eyano ezali te prophète de dieu alobi oyo ekomi ntango na ngai botika na belela nzambe nzambe azali na bomoi atali likolo alobi nzambe po ete bato oyo bandima ete yo ozali nzambe ya monene ozali nzambe ozali na bomoi kitisa moto moto ekita moto ekita baninga na ngai moto ekitaki moto ekitaki moto ekitaki moto ekitaki mpe ezikisaki nyonso ezikisaki mabanga mai ebisikisaki nyonso etumbelo ya prophète de dieu bango baprophète de bal babandi kokima bandimaki ete nzambe ya israele azali na bomoi yo mpe ozali kondima nzambe te nzambe na biso okondima ete azali na bomoi mpe bakangaki baprofete de bal bakataki bango nyonso mitu moto moto moto ya nzambe moto moto moto moto moto moto moto moto moto biso tolingi kokitisa moto ya nzambe sikoyo tolingi kokitisa moto ya nzambe Ezongi.